Chapitre 288 L'interdiction de l'ostentation. Allah Ta'ala dit: Il ne leur a été commandé cependant que d'adorer Allah, lui vouant un culte exclusif. Sourate 98, verset 5. N'annulez pas vos aumônes par un rappel ou un tort, comme celui qui dépense son bien par ostentation devant les gens, sans croire en Allah et au jour dernier. Sourate 2, verset 264. Par ostentation envers les gens, à peine invoque-t-il Allah. Sourate 4, verset 142. 1616. Abu Hurayra, radiyallahu anhu, rapporte avoir entendu le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, dire: Allah Ta'ala dit: Je suis celui qui se passe le plus des associés. Celui donc qui m'associe à un autre dans ses actions, je l'abandonne lui et son association. Muslim. 1617. Abu Hurayra, radiyallahu anhu, rapporte avoir entendu le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, dire: Le premier à être jugé le jour de la résurrection est un homme mort en martyr. On le fera venir devant Allah qui lui rappellera ses bienfaits en sa faveur qu'il reconnaîtra. Allah lui demandera alors: Qu'as-tu fait en remerciement de ses bienfaits? Il répondra: J'ai combattu pour ta cause jusqu'à mourir en martyr. Allah dira: Tu mens. Tu as en fait combattu afin que les gens disent: C'est un homme courageux. Et ils l'ont dit. Puis on ordonnera qu'il soit traîné sur son visage et jeté en enfer. On fera ensuite venir un autre homme qui avait appris sa religion, puis l'avait enseigné et avait appris le Coran. Allah lui rappellera ses bienfaits qu'il reconnaîtra. Alors Allah lui dira: Qu'as-tu fait en remerciement de ses bienfaits? Il répondra: J'ai appris ma religion et l'ai enseigné aux autres et j'ai appris le Coran pour toi. Allah lui dira: Tu mens. Tu t'es plutôt instruit pour que l'on dise: C'est un savant. Et tu as pris le Coran pour que l'on dise: Il récite bien le Coran. Et tout cela a effectivement été dit. Puis on ordonnera qu'il soit traîné sur son visage et jeté en enfer. On fera ensuite venir un troisième homme qu'Allah avait favorisé de toutes sortes de biens et de richesses. Allah lui rappellera ses bienfaits qu'il reconnaîtra. Alors Allah lui dira: Qu'as-tu fait en remerciement de ses bienfaits? Il répondra: Je n'ai négligé aucune des voies dans lesquelles tu aimes que l'on dépense ses biens sans y avoir dépensé de mes biens pour toi. Allah lui dira: Tu mens. Au contraire, tu as dépensé ton argent pour qu'il soit dit: Il est généreux. Ce qui fut dit. Puis on ordonnera qu'il soit traîné sur son visage et jeté en enfer. Muslim. 1618. D'après Ibn Omar, radiyallahu anhuma, des gens lui avouèrent: Lorsque nous sommes en présence de nos souverains, nous ne leur tenons pas le même discours que lorsque nous les quittons. Ibn Omar, radiyallahu anhuma, dit: Du temps du messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, nous considérions cela comme de l'hypocrisie. Al-Bukhari. 1619. Selon Jundub ibn Abdillah ibn Sufyan, radiyallahu anhu, le prophète, alayhi salatu wassalam, a dit: Celui qui parle pour être entendu des gens, Allah dévoilera ses vraies intentions, c'est-à-dire le jour de la résurrection. Et celui qui agit pour être vu des gens, Allah dévoilera ses vraies intentions. Al-Bukhari et Muslim. 1620. D'après Abu Huraira, radiyallahu anhu, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit: Celui qui acquiert une science religieuse que l'on doit acquérir pour le visage d'Allah Tout-Puissant, avec la seule intention d'obtenir un bien de ce bas monde, ne sentira pas l'odeur du paradis le jour de la résurrection. Abu Daoud avec une chaîne de narrateurs authentiques.